je veux pas que tu t'émeuves pas, que tu me regardes pas, avoir l'air d'être de travers. On fait des choses parfois légères, mais je te promets, j'ai arrêté les secrets, les regrets, j'ai arrêté, je te promets. Tu me crois, ne me regarde pas, tes yeux me jugent, tes yeux sont fous, je ne pourrai pas tout effacer, mais j'ai arrêté, je te promets, les secrets, les regrets, j'ai arrêté, je te promets. Je veux pas que tu t'émeuves pas, que tu me regardes pas, avoir l'air d'être de travers. On fait des choses parfois légères, mais je te promets, j'ai arrêté les secrets, les regrets.